Et j'ai l'impression que dans le spot de Dernay, là, ça dérange notamment les féministes parce qu'on voit une femme se maquiller. Je pense que si elle se rasait la moustache, là, il aurait aimé ça. Tu sais, là, ça aurait été plus un modèle que certaines féministes aiment, là. Tu sais, puis que... Mais non, mais tu ris, Rosé. Ah, mais le pire, mais c'est tu sais ça. Quoi, Sylvain? Je rêve avec ma phrase. Quel est le pire ennemi de la femme? La femme. Je lis, là, ce que j'ai reçu, parce que j'ai posé la question sur Facebook, puis j'ai pas commenté. Je l'ai vraiment, là, pas influencé. Allez-y. Puis ce qui revient beaucoup, là... C'est que c'est insultant, le rose, mais regarde, de toute façon, moi, quand je veux, je vais au garage, j'aime ça parler à un gars. Il est où le combat? Ouais. Il est où le combat à faire? Ouais. T'es une femme, tu veux être traitée à l'égal, mais en tant que femme, tu t'en vas là, puis tu fais pas confiance à la femme. Ouais. C'est plus important de chialer après le maquillage dans les toilettes que de dire, hey, on peut-tu faire confiance à une femme? Puis je m'excuse, je suis pas porte-parole pour Dernay. Puis quand je suis allée chez Pocket Mitsubishi, c'est ce que j'aimais quand je suis allée là, puis j'ai eu ça, moi, je suis en faire changer les pneus, puis tout le kit. Ils m'ont donné un petit bureau où j'ai travaillé. Il y avait pas de rose, il y avait pas rien. Mais je me suis sentie considérée. Ouais. C'est ça qu'ils font. Mais ça se peut-tu, José? Je vais aller au téléphone, OK? Annie puis André veulent nous jaser. Je vous parle 670-9330. Il reste une ligne de disponible s'il y en a d'autres qui veulent participer. Tu sais, quand les féministes s'opposent au calendrier sexy, là, quand on voit des filles en bikini, etc., ils vont toujours sur le prétexte que c'est parce que c'est sexuel, puis c'est rabaisser la femme, puis là, tu sais... Je me demande si la vraie raison, c'est pas parce que ces calendriers-là montrent des formes féminines, montrent une femme. Ben oui, parce que les publicités de Dove où on voit des grosses avec 8 plis, là, ça c'est correct. Parce que c'est prôner l'estime de soi de la femme. Ça, mais c'est sûr, elle est grosse puis elle s'assume. Super! Mais la belle fille, elle, qui fait peut-être un... Regarde, on est là-dedans, on va reparler du défi Pierre Lavoie, là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui sont minces, qui s'entraînent, qui sont en shape. Ça prend de l'effort dans certains cas. Ouais. Félicitons-les! Mais si elle se met en bikini, si elle se met en bikini dans un calendrier sexy, elle est pas bonne. Si c'est pas bonne, elle rabaisse la femme, elle fait reculer le combat, etc. Faudrait qu'elle ait du poil partout, moustache, des plis, puis là, ça suffit, là, ça a plus de bon sens, là, c'est rendu ridicule. C'est encore le marketing du sexe. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, là, c'est un Playboy software, mettons. Annie. Salut, Annie. Salut, Sylvain. Je t'écoute. Ben, moi, j'ai un peu capoté quand j'ai entendu le concept tantôt. Je me suis dit, bon, ça y est, encore. Des harnais vont donner de l'argent pour le cancer du sein à chaque changement de pneu. Puis je dis, les colons avec le prostate, eux autres, ils ramassent pas d'argent. Partout, tout est rendu rose. Le balai à neige rose. Tout. Faut arrêter de capoter à un moment donné, là. Comment ça se fait que les gens l'acceptent quand c'est pour le cancer du sein? Puis là, si t'as un garage qui décide de faire du rose pour s'adresser à une clientèle féminine, ça passe pas. C'est ça. Moi, je comprends pas. Regarde, si t'aimes ça, le rose, là, moi, Madrid, je l'avais déjà acheté quand j'ai vu qu'il en avait sorti des roses parce qu'elle aurait été rose, Madrid. J'aurais été fière de me mettre en talon haut puis de visser la planche avec Madrid rose devant un voisin. Hey, merci, Annie. Merci. Mais là, selon une féministe, là, c'est pas correct, ça. Aurait fallu que sa drill soit masculine, n'ait pas d'affaire à s'identifier. Je me reconnais tellement, c'est sûr, moi aussi, ça aurait été ça. Ben oui, mais c'est quoi? C'est parce que ça renvoie à l'image traditionnelle de la femme, notamment au niveau des enfants, de la mère de famille, de la femme cute, de la femme belle qui est... Et ça, je sais pas pourquoi les féministes, dont le but est défendre la femme, ils aiment pas cette image-là. Ils aiment pas ça. Et je sais pas quel gamique est derrière ces mouvements-là, mais... Et puis le commentaire qui revient, c'est qu'on a l'impression de se faire prendre pour des nouilles. Il va tant t'asseoir dans le rose. Tu sais, ça change tellement rien. André, va nous jaser au 670-9330. Salut, André. Bonjour, Sylvain. Je vous écoute. Bonjour, garde. Moi, j'ai longtemps écouté cette annonce-là, puis je la trouve très bien. Mais une annonce qu'on entend, c'est l'annonce qui passe aux nouvelles, à TV, l'annonce de Honda, une annonce d'auto. C'est drôle, les féministes, on les a pas entendus sur ce point-là à dire que la femme a crié après son homme, là, c'est une annonce d'Honda, me semble. Moi, on n'a pas entendu les féministes du tout là-dessus. C'est lequel, là? Ça me dit quoi, puis je m'étais passé le même commentaire. Le gars, il est dans son char. T'aurais dû aller magasiner là aussi, puis là, tu vois, le gars, il a l'air tout piteux dans sa vitre d'auto, là, c'est ça? C'est ça, c'est en plein. Exactement. Je me suis passé la même remarque. Je me suis dit, des fois, Sylvain, tu chiales pour rien pour les pubs sexistes, mais celle-là, t'aurais le droit de chialer, vraiment, là. Le gars, il passe vraiment pour un cave, là. Ouais, mais un gars qui passe pour un cave d'une pub, ça fait longtemps. Ça fait depuis un bout, puis ça, c'est... Non, mais celle-là est remarquable. En tout cas, c'était mon commentaire. Ils se sont pas trop manifestés sur celle-là. Merci, André. Merci. Honnêtement, je la replace pas, mais ça m'étonne pas du tout. Josiane, bon matin. Bon matin à vous deux. Ce matin, je voulais dire à José... ce que je trouve de scandaleux là-dedans, c'est les féministes qui font, je pense, le scandale. Parce qu'en 2012, Moi, j'ai 40 ans, puis je trouve que maudit qu'on recule avec eux autres. Je trouve ça tellement plate, là. Puis quand j'ai vu, moi, la publicité à télé, j'ai dit à mon chum, wow! Des harnais, là, wow! Parce que en ce moment, le rose est partout, on s'entend avec le cancer du sein. J'ai fait comme eux autres, là, ils ont mis le doigt sur quelque chose. Puis moi, je suis pas à l'aise avec la mécanique, effectivement. Je suis pas une fille à 100%, mais pour la mécanique, si j'avais à aller là, j'irais du côté rose, j'apprendrais mes affaires. Puis, ben, je pense que je serais plus à l'aise que d'aller du côté bleu. Mais franchement, là, je regrette vraiment ce que les féministes peuvent dire, parce que je trouve tellement que... Moi, je m'apparente pas en tout avec eux autres. Je trouve tellement qu'ils ont l'air, excusez, mais connes, là. Ça devrait même plus exister, ça. Et puis, plus, là, Josiane, juste une petite parenthèse. En plus, me semble qu'il y aurait d'autres combats à faire ces temps-ci. Les femmes voilées, hein? Hey, que les femmes, les adolescentes tuées par leur père parce que c'est des crimes d'honneur, parce qu'elles s'habillent trop sexy. On a vu l'histoire à Montréal, les femmes voilées, etc. Les collectes de sang avec les accommodements déraisonnables qu'on a dénoncés. À chaque fois, j'appelle les féministes, il n'y a pas une qui veut parler. Mais là, matin, la cible est sur Garage des Harnais. C'est ça l'ennemi de la femme. Mais voyons quoi? Garage des Harnais, avec leur slogan en plus, c'est très féministe. Sais-tu pourquoi? Ils disent, vous avez le choix. C'est ça le féminisme, c'est d'amener justement la condition de la femme rendue à un tel point que la femme peut choisir ce qu'elle veut. Mais les barbus doivent être morts de rire en maudit à matin. C'est eux autres, là, tout ce qu'ils font contre la femme, puis c'est finalement des harnais qui ramassent la merde puis qui se retrouvent au banc des accusés des féministes alors qu'il y aurait 56 000 autres combats à faire mieux que ça. Êtes-vous d'accord, Josiane? Ouais, les féministes, en fait, là, c'est qu'ils savent même plus quoi faire. Ils savent plus, ils ont comme plus de contrôle, fait qu'ils fessent sur n'importe quoi. Merci beaucoup, Josiane. Bonne journée. Mais ça nous en dit beaucoup sur eux autres. Ça nous en dit beaucoup sur leur véritable combat. C'est quoi leurs intentions et leur vrai visage? Quand ils s'en prennent à une pub comme ça de Dermet, avec sa fameuse division rose, et qu'ils laissent aller, quand il y a eu la collecte de sang, là, pour demander aux infirmières de baisser les yeux devant les hommes. Collecte de sang, moi, Québec, il y avait des musulmans, ils ont dit aux infirmières, baisser le regard à terre. Regardez à terre si vous voyez des hommes. J'avais appelé, à ce moment-là, des féministes. On a fait le tour. Faites le tour. Rien à dire. Non, rien à dire là-dessus. Pas de commentaires. Non, mais sur Dermet, par exemple. Oh! Mais non, il y a du rose puis il y a du maquillage. Il y a du maquillage, c'est ça? Une femme qui se maquille s'est rendue plus grave qu'une femme qui se voit. J'ai un peu peur, pour vrai, là. J'ai un peu peur parce que c'est rendu dans les universités, on s'entend qu'une majorité de femmes, les femmes se scolarisent, s'éduquent. Tu sais, au niveau du travail, on en voit de plus en plus avec des postes intéressants. Au niveau du salaire aussi, ça s'en vient. Vraiment, là. Mais j'ai peur à l'estime personnelle. On s'assume pas. C'est ça qui me fait peur. OK, c'est bien beau avoir une belle job, mais c'était pas bien dans ta peau. T'as pas gagné le combat, là. Non, je comprends. D'autres auditeurs veulent nous parler. On est au 670-9330. On retourne au téléphone. Vincent, bon matin. Oui, salut Sylvain. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On parle beaucoup du symbole du rose, mais pourtant, selon moi, c'est un symbole qui existe depuis longtemps en lien avec la femme. Puis je pense que les harnais ont très bien travaillé là-dessus. C'est sur le même principe que quand on va à une salle de bain, sur une porte, ben une fille avec une robe, ça va donner la porte pour les femmes. Qu'un gars qui n'a pas de robe, on va savoir que c'est la salle de bain pour les hommes. Je pense que c'est un symbole qui existe depuis longtemps. Puis, à un moment donné, faut pas virer fou sur la couleur rose. C'est associé à la femme, puis c'est rien de péjoratif, c'est rien de méchant, là. Ben non, exactement. Il y a même un gars qui vient de décrire et dit, moi, si je vais chez Dernet, je vais aller au service rose, ça a l'air le fun. Mon commentaire là-dessus, c'est la même chose. Moi, je trouve que Dernet ont très bien frappé dans le mille avec cette publicité-là. Je pense que ça rejoint très bien tout le monde, puis chapeau pour Dernet. Merci, Vincent. On va aller rejoindre Patrice. Patrice, bon matin. Oui, bonjour. Je vous écoute. Du côté de la publicité pour les femmes dans le monde du pneu, on a aussi Mme Raté, qui est principale compétitrice à Dernet, sur lequel ils axent beaucoup leur publicité. Ben oui. Avec le fait que Mme Raté est une femme réussite, puis qu'elle travaille quand même dans le monde du pneu, puis... C'est une compétition directe, puis dans le fond, il y a personne qui chiale contre ça. Ben non, c'est ça. Ben non, je sais, mais là, c'est juste parce que, merci d'avoir appelé, c'est juste que là, les féministes aiment pas qu'on ait utilisé le rose, puis qu'il y a une division pour elles, ils trouvent ça insultant. Stéphane Gendron est contre ça aussi. Ben oui. Il est trop, ils vont en faire une discussion avec Martin Pouliot. Martin a dit que c'était sur son line-up à matin aussi quand j'ai marqué ça. Stéphane, il peut faire ce qu'il veut. Moi, c'est un gars que j'aime bien, là. Mais s'il cherche des sujets, moi, il en a envoyé. J'en ai une coupelle de pas pire, là, sur les barbus, puis les musulmans extrémistes, puis les... Si ça tente de défendre les femmes, moi, j'ai rien contre ça, là. Mais moi, j'aimerais ça avoir une définition. Dans le fond, là, tu sais, c'est quoi une femme? Hein? C'est quoi que ça prend, là? C'est quoi l'image, là, de la femme en 2012? À force de revendiquer l'égalité avec les hommes, ce qui est un combat correct, ça se peut-tu qu'il y a des femmes qui ont perdu là-dedans leur essence même, leur féminité, à vouloir trop ressembler aux hommes dans leur combat revanchard, haineux, parce qu'il y en a qui avaient de ça là-dedans, là. Je sais qu'il y en a qui souhaitaient l'égalité pour vrai, celles qui se sont battues pour les votes. Oui, ça, dans le temps, il y avait vraiment de quoi se battre. Ah oui, regarde. Mais je parle d'aujourd'hui. Ça se peut-tu qu'il y a un genre de haine, puis il y a tellement un combat que la femme peut même plus être une femme. On dirait que le modèle idéal, pour certaines féministes, une femme qui se maquille pas, qui se rase pas, qui a pas de robe, puis des pantalons, puis qui s'en va sur un chantier de construction, puis qu'en ouais, elle peut-tu? Puis en passant, s'il y en a une qui veut faire ça, là, en pantalon. Le pis, choix. Tu l'as, José. Caillère sur le chantier, je m'en sac. Mais la femme qui est féminine, qui veut se maquiller, qui aime ça porter une petite jupe, puis qui aimerait ça rester à la maison avec ses enfants. Une question, elle a-tu le droit de vivre? Est-ce qu'elle selon a les ce féministes, OK, qui vont honorer au gala de la femme, tu penses? La femme mécanicienne ou la femme qui est propriétaire de 5 salons de coiffure puis qui est femme d'affaires. Ouais, ça sera jamais une femme qui élève 5 enfants tout seul à la maison. Ah non, mais juste parce que c'était même pas ça le rapport. C'est que la coiffeuse là, est vue trop féfille. Ça va être la mécanicienne qui travaille dans un monde d'hommes qui va être honorée. Ouais. C'est comme si on divisait les femmes et en passant, une comme l'autre mérite d'être honorée. Je tiens à être précise. Le choix, c'est ça. Julie, bon matin. Oui, bonjour. Alors, y a-t-il un scandale avec des harnais? Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est la position des groupes, des mouvements féministes. Moi, je me considère comme féministe, c'est-à-dire que je recherche l'égalité homme-femme. Je veux que la femme en arrive à avoir une position égale à celle de l'homme au niveau du travail, au niveau du partage des tâches, pour essayer d'en arriver à un juste milieu. Je ne sais pas s'acharner sur des picadilles comme ça de couleur rose dans un garage de service offert aux femmes là, qui c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent pour mettre l'énergie. Moi je considère que c'est une perte de temps, puis ça ne me représente pas du tout. Merci Julie. Personne n'a crié au scandale. Il y a quelqu'un qui nous écrit, Louis, il dit il y avait aussi la division des produits roses avec Marie-Lise Pilote et Rona durant le début de ma maison Rona là. Personne n'a crié scandale pour ça à l'époque là. Mais non, je sais. Ça, mais le pire, c'est que les féministes s'aident tellement pas en vargeant sur des harnais, des campagnes comme ça inoffensives, parce que ça donne raison, et là je dis bien donne raison, à ceux qui ont des préjugés sur les féministes. Tu me suis-tu, José? Il y a des gens qui pensent que le féminisme, moi je dis pas que je pense comme ça, là, mais il y a des gens qui pensent que le féminisme a été inventé par les femmes laides pour accéder au même poste que les belles femmes. Pensez-y un peu. Et à s'en prendre à tout bout de champ aux femmes sexy, aux femmes qui se maquillent ou aux femmes qui aiment le rose, ben ils donnent raison à ce monde-là. Qu'à un moment donné, le féminisme, c'est juste ça. Pour que les femmes laides aient les mêmes postes que les belles femmes. Est-ce que c'est un combat de jalousie? Est-ce que le féminisme en 2012, il reste ça? C'est une gang de jalouses que elles se maquillent pas, sont pas belles, puis ils peuvent pas en faire de calendrier sexy, puis ils aiment pas ça se maquiller parce que il faut d'abord qu'ils se rasent la moustache. C'est ça qui reste, là? T'es dans les préjugés, là. Mais... Je l'ai dit tantôt. Je dis, ce genre de combat-là donne raison aux préjugés. C'est ça que j'ai dit. Christine, bon matin. Bon matin, Sylvain. Ben, ça va? Oui, super. Oui, maquillez-vous pas ce matin, là. Ça, vous allez sauver un peu de temps. Vous allez... Je suis en train de conduire mon Jeep, je suis en train de traverser le pont, puis je capote bien dur. Parce qu'écoute, je trouve qu'avec le groupe de féministes, comme l'auditrice disait avant, on recule à 100%. Et puis, écoute, on a eu ce qu'on voulait. Les femmes, je crois qu'on a le droit de vote, on a le droit de travailler. L'équité salariale, ça s'en vient bien. Mais là, c'est quoi qu'il faut plus? Faut plus être une femme? Faut devenir un homme? Non, écoute, là, moi, j'ai 3 enfants, puis même, on est une famille reconstituée, on a 6 enfants. Écoute, on se lève à tous les jours, je m'en vais travailler. Le soir, je me popoune, je prends mon bain. Regarde, je suis une femme, j'adore le rose. Et puis, comme tu disais, chacun son combat. Sauf que pourquoi qu'il n'accepte pas aussi sur les femmes québécoises qui sont en train de prendre le voile, de devenir musulmanes? Exactement. Eux autres reculent. Parce que c'est drôle, hein, mais les combats se ressemblent. Vous savez, la raison pourquoi les femmes musulmanes doivent se voiler, c'est pour ne pas être un objet de tentation pour les hommes. Alors, c'est une version extrêmement archaïque de la femme, là, comme si, parce qu'elle se montrait, elle devenait un objet pour l'homme. Alors, t'écoutes le discours des féministes, C'est drôle, hein? Il y a certaines ressemblances avec le discours des islamistes radicaux, des barbus, que, ah, si elle se maquille, si elle s'habille sexy, c'est juste pour l'homme, pour être un objet de tentation. Ça se peut-tu que la femme, elle aime ça être belle? Pour elle aussi? Pour moi, tant mieux, puis j'aime ça, puis je vous regarde, puis vous êtes belle, OK? Les hommes, on l'apprécie. Mais j'imagine, José, que quand vous... bien dans sa peau. Voilà! Pour...